Votre collègue est égocentrique. Chaque lundi, vous subissez le récit de son week-end. Réagissez. Utilisez la paire de baffes. La paire de baffes stoppera net la logorrhée de votre interlocuteur. Le temps qu'il se remette de ses esprits, vous pourrez enfin dire ce que vous avez à dire. Avec la paire de baffes, vous lui rabattrez son caquet pour l'année. Attention, promotion exceptionnelle pour les vacances. Une baffe achetée, la deuxième est gratuite. Ça va pas la tête.